France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Au mois de septembre dernier, Jean-Jacques Pauvert disparaissait à l'âge de 88 ans. Le cancre du lycée Lacanal de Sceaux aura fait son chemin. À 19 ans, il publiait déjà Sartre et devenait à 21 ans le premier éditeur du Marquis de Sade. Mais il serait injuste de réduire Pauvert au genre érotique. Il aimait par-dessus tout l'art, la littérature et les beaux textes et prenait un soin tout particulier à la fabrication des livres. En avril 2004, un lundi de Pâques, il était l'invité de Tout arrive. Venait de paraître le premier volume de ses mémoires intitulé « La traversée du livre ». Au micro de Marc Foinché, Jean-Jacques Pauvert est en compagnie de Viviane Ami, son éditeur, et de son ami Christian Bourgois. Hommage à un très grand éditeur. Tout arrive en ce lundi de Pâques, émission spéciale avec donc le Tout arrive de JJP, l'éditeur et aussi auteur, Jean-Jacques Pauvert. Jean-Jacques Pauvert, à l'occasion de la parution enfin de ses mémoires, premier volume, aux éditions Viviane Ami. Tout arrive donc chez et aussi avec Viviane Ami dans le 12e arrondissement, en compagnie d'un complice de longue date de Jean-Jacques Pauvert, Christian Bourgois. Avec Pascal Horry, prise de son Patrick Marguerite, une émission réalisée par Doria Zénine. Nous sommes donc chez Viviane Ami. Vous préférez qu'on dise quoi d'ailleurs, éditeur ou éditrice, Viviane Ami ? Éditeur. Alors, nous sommes donc chez vous, Viviane Ami, parce que c'est une occasion particulière pour Tout arrive dans ces émissions qu'on appelle spéciales, que nous allons consacrer tout entièrement à vous, Jean-Jacques Pauvert, bonjour. Bonjour. Parce que vous publiez, ça y est, tout le monde en rêvait, vous l'avez fait, publié donc chez Viviane Ami, La traversée du livre, qui peut faire penser à presque un titre de film, comme on pourrait dire La traversée de Paris. Ce sont des mémoires avec en couverture le JJP de... Max Ernst. Spécialement pour vous. Ah oui, oui. Avec nous, Christian Bourgois, dont vous parlez dans le livre, que vous avez connu notamment par l'entremise de Julliard, René Julliard. Oui, hein? René Julliard. Bon. Mais l'heure de Christian Bourgois n'est pas encore arrivée. Christian Bourgois, autre éditeur évidemment bien connu, dont le patronyme dit effectivement la profession. Comment il faut le présenter très classiquement, de façon... presque cliché, Jean-Jacques Pauvert, en rappelant donc quoi, l'histoire d'eau d'un côté et Sade de l'autre, ou est-ce qu'il y aurait quelque chose de moins évident, de moins connu, qui dirait à quelqu'un qui ne le connaît pas qui est Jean-Jacques Pauvert ? Christian Bourgois. Ce qu'il y a de moins évident, c'est tout son catalogue. Je vais vous répondre de manière un peu paradoxale. Non, publier ça dans les conditions dans lesquelles il l'a publié, qu'on peut quand même considérer comme un des écrivains les plus importants de la littérature française, mondiale, bon, c'est un grand titre de gloire. Avoir publié l'histoire d'eau, c'est tout à fait remarquable. Mais moi, ces derniers temps, on m'a souvent posé des questions sur Jean-Jacques Pauvert, et je dis oui, bien sûr, il y a eu l'intérêt de Jean-Jacques Pauvert pour l'érotisme, il y a l'effet avec l'eau du cal, la boutique d'érotologie, mais il y a tout le reste du catalogue qui va de, d'avoir publié les écrits sur l'art d'Elifort en trois gros volumes magnifiques, d'avoir publié les œuvres pratiquement complètes de Victor Hugo en quatre volumes magnifiques, d'avoir publié Raymond Roussel, je pourrais énumérer, nous avons du temps devant nous, pour le faire, des activités d'éditeur qui me permettent de dire que ce n'est pas un éditeur érotique, c'est un éditeur qui a publié des livres érotiques, mais de le cantonner, comme on a un peu trop fait ces dernières années, dans ce domaine, même si l'un et l'autre, nous l'avons défriché, apprécié, nous avons publié des livres érotiques. Enfin, Jean-Jacques n'est pas un éditeur de livres, n'est pas simplement un éditeur de livres érotiques. Cette légende un peu sulfureuse, qu'il a quand même aussi un peu entretenue à une époque, ne me correspond pas à la réalité, ce qui est pour moi Jean-Jacques Pauvert, que je connais depuis 45 ans. Vous êtes d'accord, Viviane Amy? Puis on va quand même laisser la parole au maître qui sourit devant tant d'éloges, mais ça ne va pas durer. Viviane Amy? Je ne peux qu'être absolument d'accord. Je veux dire, la bibliothèque qui est la mienne était truffée de petits pots verts et je m'en régalais sans même savoir que c'était des pots verts jusqu'au moment où j'ai travaillé dans l'édition, où j'ai rencontré Jean-Jacques Pauvert et où j'ai eu la chance de qu'il accepte que je sois l'éditeur de ses mémoires. Bon, alors venons-en à vous. Alors il faut bien que je dise Monsieur Pauvert, comme du temps de vos 15 ans, quand Gaston Gallimard vous engage et vous dit Monsieur, ce qui vous impressionne quand même. Ça a été le premier choc. Et le premier travail dans la librairie. Exactement. Et pas loin de l'édition. Oui, quand même, j'avais 15 ans, c'était évidemment mon premier travail. Mais bon, j'étais très impressionné par Gaston, le grand bureau de la NRF, c'était un travail. Mon père m'avait dit, tu t'intéresses aux livres, tu lis beaucoup, je connais Gaston Gallimard, on va essayer de ce côté-là. Bon, pour moi, c'était un peu un travail comme un autre. Alors, il faut que l'on précise, on va parler effectivement de la jeunesse de Jean-Jacques Pauvert avant d'évoquer, sans être exhaustif, tout ce que vous avez pu faire une fois que vous êtes devenu éditeur plus installé. Il n'y a pas de vocation, donc au départ, effectivement. Il y a quand même une famille qui lit. Il y a une famille qui lit, oui, comme beaucoup de familles. À l'époque, mais il n'y a pas de vocation, et surtout pas de vocation d'éditeur. D'abord, je ne savais pas ce que c'était qu'un éditeur, moi. Alors, il y a une famille qui lit et qui vous permet, il faut le préciser, avant la guerre, de lire ce que vous voulez. Oui, de temps en temps, ils toussent un peu. Quand j'attrape l'Aphrodite de Pierre-Louise, par exemple... ma mère dit à mon père, est-ce qu'il faut le laisser lire? C'est très difficile d'empêcher de lire un enfant. Puis mon père, lui, est très, très indulgent. Puis il y a tellement de livres. Je les ramasse. Votre père est journaliste? Oui. Votre mère ne travaille pas? Mère au foyer. Mère au foyer, comment on dit. Et alors, il y a aussi une chose d'ailleurs qui est intéressante, dont on ne se doute pas forcément, quand on pense au petit Pauvert, comme dirait Viviane Amy, c'est qu'il y a quand même, de façon... il semble parallèle autant l'amour du petit Pauvert pour la campagne, gambader, que pour lire la nuit, plus ou moins en cachette. Mais il y a les deux. Vous auriez pu très bien, au fond, faire un lycée agricole et devenir paysan. Peut-être, probablement. Garde forestier, je ne sais pas, quelque chose comme ça, oui. Et la nuit, vous lisez. Alors, par exemple, à 13 ans, vous lisez Locus Solus de Roussel. Oui, je ne comprends absolument rien. Il y avait le Cusselus dans la bibliothèque familiale. Et bon, je l'ai pris parmi les autres, comme ça, et ça m'a laissé une impression de malaise épouvantable que je ne m'expliquais pas, que je ne m'explique d'ailleurs toujours pas, un peu plus peut-être maintenant. Mais vous avez dû un jour quand même répondre à cette fascination en décidant de l'éditer, parce que quoi, 20 ans après, vous allez à nouveau être éditeur. J'avais tout lu à ce moment-là, 20 ans après, j'avais tout lu. Voilà. Donc ça, c'est un signe assez drôle. À 13 ans, vous lisez Roussel, et puis quelques années plus tard, vous en serez l'éditeur et vous avez continué. Les hommes de bonne volonté de Jules Romain, oui. je note que Jarry vous fascine. Oui, ah oui. Mais surtout... Là aussi, c'est un oubli d'ailleurs dans la bibliographie sommaire qu'a faite de votre travail Christian Bourgois, Le Littré, que vous rééditerez plus tard. Le Littré, vous dévorez Le Littré. Oui. Alors, une précision encore et je vous donne la parole, Pascal Horry. L'oncle de votre mère, c'est André Salmon, ce qui facilite quand même certains accès. Oui, à partir d'un certain âge, à partir de 13-14 ans. Et puis, découverte de Bagatelle pour un massacre. Que vous trouvez très drôle. Ah oui, mais tout le monde trouvait ça très drôle. Le monde trouvait ça très drôle, oui. C'est une façon de revoir l'histoire, ça. Non, j'ai reproduit l'article de Gide, parce que l'article de Gide exprime très bien l'effet causé par Bagatelle. Bon, il y avait évidemment des gens qui s'indignaient, mais vous savez, moi, j'étais pas dans le public. Simplement, je lisais des articles. J'avais lu l'article de Gide qui me paraissait très juste. Moi, j'étais surtout marqué par Maura Crédit. Pour moi, ça a été la grande découverte. Mais l'article de Gide sur Bagatelle explique très bien ce qu'on pouvait ressentir à lire Bagatelle. C'est-à-dire, non, il exagère. Qu'est-ce qu'il fait là? Va le prendre au sérieux, parce que à cette époque-là, on aurait pu quand même se laisser séduire plus avant, comme certains copains à vous qui partiront à la LVF. On pourrait y aller plus avant, quand même, vers cet antisémitisme, et sans convaincre. Mais vous savez, à mon âge, à votre âge même aujourd'hui, ou à l'époque où vous aviez 14-15 ans, quand j'avais 15-16 ans, 15 ans d'ailleurs, 14-15 ans. En 41, 15 ans. En 41, oui. Et quand un camarade de l'école alsacienne est parti, je raconte ça parce que c'est quand même assez significatif. Tout le monde dit, alors qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, les élèves renvoyés de l'école. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui dit, c'était pas une lumière, hein, le gars. Il dit, mais non, il y a un combat contre de l'Occident, contre la barbarie, moi je m'engage dans la LVF. Bon, tout le monde le regarde, comme ça on le prend pas bien au sérieux. Et il s'est engagé dans la LVF, oui. Pascal Horry. Oui, ce qui est frappant en lisant à peu près les 100 premières pages du livre de Jacques Pauvert, c'est de voir à quel point son entrée en édition est réductante, parce que cet homme qui reste un des grands éditeurs de cette génération, même de plusieurs générations, on n'a pas l'impression que ce soit ça qui soit ce à quoi il pense spontanément. D'ailleurs, je trouve que la formule de Gaston Gallimard est la meilleure. Vous voulez travailler dans le livre. Oui. Bon, c'est-à-dire que vous êtes un liseur. En revanche, vous êtes très réfractaire au système scolaire, c'est-à-dire que l'école, sauf quelques professeurs privilégiés, ça ne marche pas. Tout, ça, non. Donc pourquoi ne pas se réfugier effectivement dans le livre, mais pourquoi pas autre chose? Et même éditeur, vous dites vous-même que vous savez pas vraiment ce que ça veut dire. Au début, départ, vous êtes dans la librairie. Bien sûr. Ensuite, au fond, la bibliophilie pourrait vous tenter, mais c'est pas ça. Non. Et pas ça. On a l'impression que édition, ça s'impose à vous parce que les occasions se présentent, voilà. Une envie vous saisit, et puis c'est quelques années après que vous vous dites, au fond, je suis éditeur. Mais oui, parce que tout le monde me dit, les gens me disent, alors qu'est-ce que vous faites? Je dis, je fais des livres quand j'ai 20 ans, hein, 20, 22 ans. Ah bon, mais comment? Mais alors vous êtes éditeur? Bon, soit, je suis éditeur. Mais au début, c'était ça. Vous n'avez rien à demander à Jean-Jacques Pauvert, Pascal Horry, sur cette période de la guerre où Jean-Jacques Pauvert écrit qu'il ride l'étoile jaune et sans coup même de fausse par provocation. Mais on en riait dans les lycées, bien sûr, bien sûr. Alors, en tout cas, il y a une façon assez distante de considérer mais plusieurs épisodes de sa vie, pas seulement celui-là, qui me paraît assez typique du personnage. Et par exemple, son engagement dans la résistance, parce que quand on lit rapidement les résumés, on se dit, bon, il a fait de la résistance, mais la manière dont il raconte, c'est assez romanesque. Il rend des services, il pose des actes sans savoir exactement de quoi il s'agit, puis peu à peu, il se rend compte que vraisemblablement, on l'engage dans quelque chose qui pèse un peu plus lourd. Mais au fond, il traverse ça presque comme une fleur, quoi. Oui, mais comme on faisait à l'époque, vous savez. Ce que je raconte, par exemple, plus tard, en 1944, c'est assez ahurissant quand on y pense. C'est trois soldats, hein, dont un capitaine, qui sortent du maquis des Glières, qui débarquent à la maison. Et le capitaine, blessé, dit « Bon, on a été trahi par qui ? Par les Anglais, bien sûr, comme d'habitude. Mais tout ça n'est rien, la vraie bataille va commencer. » Alors, il va y avoir un débarquement, il nous décrit le débarquement. Donc, en mars-avril 1944, hein. Bon, on le croit ou on le croit pas. Tout ça, ce sont des rumeurs, à l'époque. On ne croit à rien fermement. Il y a des gens qui parlent, des gens qui racontent. Alors la vraie bataille va commencer. Naturellement, Pétain et De Gaulle sont d'accord. Bon, les Américains, les Anglais et nous, on va foncer vers l'Est. On récupère les Allemands au passage. Et puis, la vraie bataille va commencer. C'est la barbarie contre l'Occident. Nous sommes l'Occident, etc. Bon, on entend tout ça, mais... On n'y attache pas une vraie importance. Personne n'y attache une vraie importance. Vous voyez, ces gens qui disent ça sont quand même des adultes, sont des gens de l'armée secrète, qui sont censés être un peu au courant, mais personne n'est au courant à l'époque. C'est ça. Et pas même au courant de ce qui se passe par rapport à l'avenir, si on peut parler d'un avenir, des gens qui portent l'étoile jaune, Jean-Jacques Pauvert, au point qu'on peut en sourire. Non. Ah mais qu'on peut en sourire, bien sûr, au lycée. Au lycée, quand ils en rigolent eux-mêmes, ils comprennent pas. Personne ne comprend. Pascal Horry. Sur ce point, mais qui est quand même pas essentiel dans le livre de Jean-Jacques Pauvert, une anecdote intéressante, il est chargé de prévenir par ses parents, oui, hein, des juifs qui vont être arrêtés, la bourgeoisie juive, et le dentiste, hein, je crois, oui, qu'il rencontre, n'y croit pas. Ah, il n'y croit pas. Absolument pas. Il n'y croyait pas du tout. Ça se confirme un certain nombre. Il y en a beaucoup, qui n'y ont pas cru quand ils ont été alertés, parce qu'ils disaient, nous sommes français, qu'on arrête, qu'on colle en prison ou n'importe où, pas dans des camps, puisque personne n'en parlait, les métèques qui viennent d'arriver, alors ça, oui, nous sommes d'accord, mais pas nous. Et il y en a beaucoup qui se sont laissés arrêter. Pascal Horry. En ce qui concerne l'itinéraire singulier de Jean-Jacques Pauvert, ce qui est frappant, c'est que à la Libération, il va se toquer de créer, par exemple, une revue. Et lui, qui en même temps écrit un manifeste qu'il relie aujourd'hui avec une certaine sympathie, parce qu'au fond, effectivement, on oui. trouve un ton. On regrette qu'il n'ait pas été publié à ce moment-là, du moins sous cette forme, où il dit qu'au fond, entre deux extrêmes, il a quand même des sympathies pour le marxisme, mais au même moment, le même va voir Marcel Aimé, c'est vrai, ou Paul Léoto. Et je trouve que c'est typique du personnage, c'est-à-dire qu'il ne correspond pas au schéma tout fait, parce que, évidemment, à cette époque-là, quand on déclare éventuellement de vagues sympathies pour le marxisme, et avec beaucoup de pincettes, on ne va pas voir Marcel Aimé. Mais ça, c'est typique de Pauvert. Ah bon ? Oui. Jean-Jacques Pauvert. C'est-à-dire que c'est le non-conformisme, oui. même au second degré, parce qu'il y a une façon conformiste d'être non-conformiste. Mais là, vous ne respectez pas les règles du jeu de la Libération. Et c'est très bien. De même que vous rappelez ce qui me paraît. C'est vrai, dans le fond. Je retire le c'est très bien, parce que l'historien n'a pas apporté de jugement de valeur. Bon, donc, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Mais ce qui me frappe aussi, c'est qu'il nous rappelle quelque chose d'essentiel, mais ça, on va s'engager plus avant, à la fois dans la chronologie, dans le vif du sujet, c'est à quel point la Libération était moraliste. C'est la Libération qui va nous voter la loi de 49. C'est-à-dire que ceux qui ont été victimes de l'État français et d'un surcroît de puritanisme vont avoir aussi leur forme puritaine. Et Jean-Jacques Pauvert va en être victime. Jean-Jacques Absolument. Pauvert. Ben oui, je le raconte parce que tout le monde oublie ce genre de choses. La Libération a été terriblement puritaine. Et les puritains, c'était les d'abord en tête, les communistes qui voulaient brûler les livres, qui voulaient tout interdire, qui étaient contre le planning familial. Ben c'est le ces moments aussi où on surveille le cinéma américain, oui, la BD, la bande dessinée. Hein, beaucoup sera sous le coup de législations diverses au sortir de la guerre. Hein. Pas diverses. Jean-Jacques Pauvert consacre plusieurs pages à la loi de 49, qui est très précise, qui a même été aggravée en 58. Oui. Et ça, c'est quelque chose que oui, dont vous vous souvenez. Ah ben ça, je m'en souviens parce que là, ça m'est tombé dessus presque tout de suite. Alors, on a sauté quelques étapes, même si on va pas faire tout sur la guerre, mais c'est important parce que non, mais je en lisant le livre, il y a des choses importantes parce d'abord vous lisez effectivement tout. Bon, je passe sur vos performances sexuelles avec en tout cas un jeune homme qui était visiblement très amoureux de vous. Et si vous l'écrivez, la séquence est très drôle. Je passe sur Tour. Vous vous souvenez de ce garçon Pas très très bien, mais je me souviens de l'histoire, oui, parce que tout d'un coup, il devient amoureux, enfin. Il y a des fruits, à cette époque, il vous offre des fruits, donc ça doit être... Tout était prêt, enfin, tout était très, très... Vous savez, avec ce côté ménager de certains homosexuels, les fleurs sur la table, c'était absolument ahurissant. Mais avant, il y a eu Tour. Alors, cette histoire de Tour, d'ailleurs, moi, je continue à ne pas la comprendre. Oui, un tract qu'on trouve sur vous. Oui, connerie pure. Et là... J'avais oublié complètement ce tract. Et là, ce tract fait de vous quasiment celui qui va assassiner Adolf Hitler, quoi. Enfin, on n'est pas loin, ça fait de vous un type très très dangereux, évidemment, aux yeux de l'occupant allemand. Combien ça dure, trois mois de prison ? Deux mois et demi, et puis un jugement qui aurait pu vous faire fusiller. Un jugement ahurissant, je suis là tout seul. J'y ai pensé après, sur le moment, bon, c'était la marche des choses, hein, c'était l'occupation. Oui. Mais je ne savais pas que ça n'avait pratiquement jamais lieu. On m'introduit dans la grande salle du tribunal de Tours, et des officiers en grand uniforme. Alors, c'est quelque chose, hein, le grand uniforme allemand, les chamarrures, les képis qui posent sur la table. On prononce un réquisitoire terrifiant. La famille peut être compromise, punie de mort. Moi, j'étais tout. Puis tout d'un coup, mais le grand Reich est très clément. Vous vous en souviendrez certainement toujours. Figez le camp. Ah ben la bonne propagande passe aussi par la mise en scène de la clémence. Hein, oui. Jean-Jacques Pauvert, c'est du théâtre. Il faut aussi venir à l'hiver 42-43, à ce que vous appelez le choc, à ce que vous appelez la stupeur. Lecture de Jean-Jacques Pauvert à ce moment-là, du Conte d'Irène, d'Histoire de l'œil et des 120 journées de Sodome. Oui. Ben voilà, ça c'est effectivement le choc, parce que tout le monde parlait de ça. Enfin, les gens que je connaissais, les intellectuels que je connaissais, que j'allais voir à la NRF ou qui venaient à la librairie, d'ailleurs. Oui, parce qu'après Tourjus, vous retrouvez votre emploi chez Gallimard. Hein, oui. Hein, on me reprend sans une observation. Bon, je suis revenu. Bon, très bien. Autre sujet d'étonnement, mais à l'époque, ça ne m'étonne pas du tout. Et puis, je revois des gens, on commence à parler de ça beaucoup. Là-dessus, il y a ce type qui arrive et qui me vend ce lot où il y avait l'Histoire de l'œil, le Conte d'Irène et les 120 journées, que je lis de manière diverse. Et je lis d'abord le Conte d'Irène, je trouve ça absolument éblouissant, je le dis. L'Histoire de l'œil, ça me choque un peu, mais je sens quand même qu'il y a une sorte de nécessité là-dedans. Et puis les 120 journées, là, c'est l'interrogation. Qu'est-ce que c'est? Ce livre était-il un livre? Ce livre était-il un livre? Et si c'était un livre, il n'y paraissait pas beaucoup, parce qu'il y avait cette grande édition hors commerce, il n'y en avait pas d'autres en circulation, et d'ailleurs celle-là n'était même pas en circulation, et les gens continuaient à parler de ça sans l'avoir. On n'avait pas Sade. Mais est-ce qu'il fallait avoir Sade? Voilà la question que je me suis posée dès 16 ans. Est-ce qu'il faut avoir Sade? Alors, les gens me disaient, beaucoup, vous comprenez, c'est interdit. Hein, c'est interdit, ce qui était faux. Bon, je l'ai appris après. Oui, c'était faux, en fait. C'était faux. Il n'y a pas de texte interdit en France. Oui. Bon, alors, c'est d'une part interdit, d'autre part, c'est dangereux. Bon, c'est dangereux. Alors, il y a donc des livres dangereux. Oui, bon, peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne savais pas. Je me suis interrogé longtemps, surtout pour les 120 journées, d'ailleurs. Parce que je pense que ça reste effectivement, comme on l'a dit, le texte le plus scandaleux, le plus choquant, le plus obscène, le plus révoltant qui soit. C'est une sorte d'absolu dans la littérature. Vous avez commencé par très fort, quand vous auriez pu commencer par un Sade. Moins hard. Enfin, j'aurais pu tomber sur les crimes de l'amour, oui. J'aurais pu tomber sur le boudoir. On trouvait un peu sur le. Même pas sur les infortunes de la vertu. Sur les infortunes de la vertu, oui. Qu'on avait édité avant-guerre, sur Justine même, parce que Justine, hein, c'est pas quand même pas terrifiant. Mais la nouvelle Justine, l'histoire de Juliette, Léa Philosophie dans le boudoir, et surtout les 120 journées de Sodome. Vous faites allusion au décombre de Lucien Rebatté, mais je n'ai pas souvenir, à moins que je l'ai mal lu, que dans vos mémoires, Jacques Pauvert, vous l'avez bien réédité, vous, les décombres? Oui, mais en 60... Mais vous ne le dites pas, là. S'arrête en 68. Et c'est en quelle année que vous l'avez édité, les décombres? En 74. Ah oui, vous êtes gonflé, quand même. Forisson avant 68, vous éditez. Ah mais tout le et rebatté en 74. Tout le monde aurait édité Forisson. C'est l'anticonformisme poussé en forme de grand art, comme dirait Pascal Horry. Oui. Très littéraire. C'est un numéro de bizarre, d'ailleurs, sur le sonnet des voyelles. Oui. Donc on ne pouvait pas le dire. Et tout le monde aurait publié Forisson, et après il a été publié ailleurs, avant qu'il se déchaîne. Mais non, c'est pas du non-conformisme. Vous parlez d'ailleurs de ce fameux livre qui a été publié quelques dix années après. Vous essayez de discuter avec Forisson de ce livre, et vous vous rendez compte que vous êtes en face d'un obsédé avec lequel il n'est absolument pas possible de discuter. Attendez, vous parlez vraiment trop par euphémisme. Il faut dire que voilà, Forisson un jour vous parle aussi de ses thèses négationnistes. pistes sur le fait que les chambres à gaz n'auraient pas existé. Oui. Et effectivement, c'est pour ça qu'il faut bien poser. Il m'en met un manuscrit. Voilà. Voilà. Et là, vous dites, pas question, je ne dis pas oui, ça. Oui, mais je le reçois. Je voudrais comprendre. Je voudrais comprendre. Et vous ne comprenez rien. Je m'aperçois qu'il n'y a rien à comprendre. Ouais. Il est complètement buté et il n'emploie pas, pour les faits historiques, l'esprit critique qu'il a pour la littérature. Ça, c'est absolument ahurissant. Alors, donc, je ne le revois plus. Alors, de digression en digression, je voudrais quand même que l'on revienne à cet hiver, pour terminer cette première partie, Jean-Jacques Pauvert, cet hiver 42-43, où vous lisez les 120 journées de Sodome. Non, parce que, vous dites stupeur, ça vous... Apparemment, vous déclenche des interrogations très grandes. Ça aurait pu faire de vous, vous donner envie d'être écrivain ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Parce que je me demande, est-ce que c'est un livre ? Est-ce que c'est de la littérature ? Et il y a cette dualité, vous comprenez ? Les gens qui parlent de ça, qui en font quelque chose d'important, c'est un grand moraliste, c'est un grand romancier, etc. Mais qui parlent sur du vide. Il n'y a pas les livres. Il n'y a pas les livres. Et même, on me dit qu'il ne doit pas y avoir les livres. C'est là la grande interrogation. Celui qui vous en parle le mieux à l'époque, c'est qui ? C'est Paulhan ? C'est Paulhan, oui. C'est Paulhan, mais enfin, presque tout le monde dans les réunions de chez Paulhan parle d'une façon comme s'il les avait lus. Et en fait, vous pensez que les gens mentent beaucoup. Ah oui, bien sûr. C'est, à l'époque, c'est chic et snob de parler de Sade. Hein, oui, sans l'avoir bien lu. Sûr, bien sûr. Et remarquez, aujourd'hui, c'est toujours chic et snob de parler de Sade. Mais oui. on peut le lire plus facilement. Mais maintenant, vous dites, oui, les 120 journées, vous savez, ça ne tire pas à conséquence. Mais si, moi, je trouve que ça tire à conséquence. Je ne peux pas relire les 120 journées sans chaque fois ressentir ce choc que décrit très bien Annie Lebrun. Et oui, qu'Annie Lebrun écrira beaucoup plus tard. Et comment est-ce que ça résonne avec la période, de la guerre, hein ? Je ne sais pas, avec les bruits de bottes, avec l'occupation. Avec la clandestinité. Avec la clandestinité. Parce que dès que j'arrive dans la librairie, enfin très vite, si vous voulez, je m'aperçois qu'il y a deux mondes. Il y a le monde des livres clandestins, interdit, bon, pas des livres de résistance parce qu'il n'y en a pas encore, mais il y a des livres qui touchent à un certain domaine ou qui sont illustrés d'une certaine manière, et puis il y a la librairie officielle. Et ce sont deux mondes très, très distincts, hein, très, très, très séparés. Il y a le monde de l'édition clandestine qui se partage. Il y a les éditeurs qui font du grand luxe. Il y a les éditeurs qui font du petit livre courant et à la frontière. Et immédiatement, moi, je m'interroge pourquoi ça ? Pourquoi est-ce que ça, ce serait interdit ? Parce qu'on publie clandestinement des livres qui, à mon avis, ne méritent pas de l'être. Mais c'est une sorte de marché. N'oubliez jamais que le livre est un marché. Oui, hein, le cinéma est un art, par ailleurs, il est une industrie. Oui. Vous avez envie de paraphraser un peu Malraux, absolument. En l'occurrence. Parce qu'en plus, vous dites le livre érotique, pornographique, est effectivement en général un livre un peu de luxe. C'est la tradition, ah oui, c'est oui, ça. Bien sûr. Ah bah oui, quand je commence à publier Sade et je fais exprès de faire une édition courante à un prix courant, je reçois des coups de téléphone parce que je connais la plupart des éditeurs clandestins, puis il n'y en a pas tellement, qui m'engueulent. Vous allez casser le marché. Mais je vais casser le marché, exactement. Ouais. Vous comprenez, entre un livre à 1000 francs et un livre à 18 francs, il y a une grosse différence. Et puis pourquoi ? Alors là, j'ai pas de réponse, je dois dire. C'est l'interrogation de la brigade mondaine. Hein. Mais pourquoi faites-vous ça ? Ouais. Parce que... Oui. Hein. Oui. Vous êtes content d'ailleurs d'être édité par une femme qui plus est édite aussi des polars ? Et je ne suis pas content d'être édité par une femme, je suis ravi d'être édité par Viviane Amy. Oui. Mais vous n'auriez pas préféré être, édité par Gallimard, Le Seuil, vous voyez, un peu... Gallimard, ça aurait été normal. Oui, ça aurait été normal, mais c'est... Vous savez, j'ai acquis une certaine méfiance vis-à-vis des grosses maisons. Ah, vous voyez, vous êtes encore une petite maison d'édition, donc c'est charmant, Viviane Amy. Je ne sais pas ce que c'est qu'être une petite maison d'édition. D'abord, je ne suis pas une maison d'édition, et je dois dire que les quantitatifs m'ont toujours beaucoup énervée. Bon, Christian Bourgois, à vous de rentrer en scène. On aura passé un peu vite sur... Enfin, quand même, s'il faut le dire, parce que la première... ce qui fonde l'idée que vous êtes éditeur, c'est quoi? C'est quand Monterland vous dit « Allez, je vais te dicter un contrat. Puisque tu veux m'éditer, je vais te dicter le contrat d'éditeur que tu seras, Jean-Jacques Pauvert. » Ça commence, mais le... Il n'y a pas l'Imugre aussi. La oui, revue, quand même, pas oui. Pas l'Imugre. Alors, Christian Bourgois, vous le connaissez depuis longtemps et vous avez votre part hein, dans ces mémoires de Jean-Jacques Pauvert. D'ailleurs, il y a même des effets comme ça d'écho et de miroir. Jean-Jacques Pauvert cite les moments où Paul Léoto parle de Jean-Jacques Pauvert dans son journal. Et vous, vous voici, que vous apparaissez dans ses mémoires de Jean-Jacques Pauvert, un peu comme il apparaît, lui, au fond, dans le journal de Paul Léoto. « Ah !» écrit Jean-Jacques Pauvert, page 306, et c'est donc la traversée du livre chez Viviane Ami. « Ah !» 1959 fut aussi l'année où Christian Bourgois entra chez Julliard au mois de mai. Il ne faut pas l'oublier, c'est important. Et là, Jean-Jacques Pauvert raconte... La rencontre. Nos premiers contacts ne furent pas très heureux. Je reçus un jour, de 1960 je crois, la visite de ce grand jeune homme mince, il avait 27 ans et paraissait beaucoup moins, qui venait inspecter la liste de nos services de presse. Je le mis peu poliment à la porte. C'est vous, hein, c'est de vous qu'il s'agit, Christian Bourgois. Et en parlait à René Julliard, qui mit l'affaire sur le compte, et c'était vrai, d'un zèle de débutant. Moi, dit Pauvert, j'avais 34 ans et près de 20 ans d'expérience du livre dans beaucoup de domaines. J'étais en quelque sorte le contraire de Christian, vous, Christian Bourgois, sorti à peu près la veille de couveuse, d'où un soupçon de méfiance, ce qui ne nous empêcha pas de devenir en peu de temps assez complices quand nous avions de manière différente, heureusement, la passion du livre. Et puis à des titres divers, après tout, nous sommes toujours là, tous les deux, 45 ans plus tard, en 2004, c'est le cas, ça compte, même si nous voyons pas souvent. Au fond, ce sont ces quelques lignes qui ont fait qu'on s'est dit, ben, on va les remettre ensemble. Alors, je ne sais, vous vous souvenez de ce moment-là, Christian Bourgois? Oui. J'ai expliqué 45 ans après à Jean-Jacques Pauvert les dessous de ma visite, qui d'ailleurs se déroule en 59 et pas drôle. En 60. C'est-à-dire que René Julliard m'avait confié une tâche un peu désagréable d'aller chez Jean-Jacques inspecter. Alors attendez, les services de presse, c'était pas des petits romans, c'était, il voulait qu'on voit les livres très chers, parce qu'il pensait que Jean-Jacques, en fait, revendait des livres à des libraires, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net. Donc ensuite, Julien, avec une grande mauvaise foi que j'admire et que j'approuve, dit tout ça, c'est un excès de zèle de ce jeune homme, mais j'aurais jamais eu l'idée d'aller chez Jean-Jacques. Mais il était comme ça, Julien, bon. Ça faisait partie de son comportement. Le côté peu amène de Bonhomme Pauvert, c'est vrai, oui, c'est ça. Je n'en ai pas le souvenir. Enfin, on a beaucoup, voilà, vous l'entendez rire, on a beaucoup travaillé ensemble, on a beaucoup ri, on a publié, on sent dans la mesure où Julliard était l'associé financier de Pauvert, et donc il y avait ce qu'on a, un compte admis entre Pauvert et Julliard, comme d'ailleurs entre Julliard et Lafont, car je jouais aussi le même rôle, mais de manière différente chez Lafont. Et donc, Jean-Jacques, moi, je servais en plus d'interlocuteur, enfin maintenant on dirait interface, qui est un mot que je déteste, entre Jean-Jacques et Julliard, où j'essayais de... Parce que Julliard ne finançait pas tous les ouvrages que publiait Pauvert. Et j'essayais de l'en faire financer le plus possible. Donc on peut dire qu'on a vraiment été extrêmement complices pendant une dizaine d'années. Christian Bourgois, qu'est-ce qu'il représente, cela dit, pour le jeune homme que vous êtes à l'époque, et Jean-Jacques Pauvert, qui a démarré donc très tôt, n'est pas bien vieux non plus, de toute façon, à ce moment-là, en 59. Je vous pose la question, c'est important parce que Jean-Jacques Pauvert, dans ses mémoires, rapporte ses propos d'Annie Lebrun, et comme on est en 59, hein, est-ce que ça vous paraît sonner juste, et de quelle façon? Annie Lebrun dit de Jean-Jacques Pauvert, il est l'inventeur des années 60. C'est pas une petite formule, hein, c'est important. Est-ce que vous avez conscience de voir, avec déjà la notoriété qu'il a, hein, Pauvert, par rapport à des questions d'édition, de textes compliqués à éditer, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est complètement autre chose pour vous, le personnage de Jean-Jacques Pauvert, Christian Bourgois? Ce que vous venez de dire, je le pense dans les années 60, dans les premières années 60. Quand j'arrive en 59 dans le bureau de Jean-Jacques Pauvert, je suis séduit par le personnage, par l'endroit, l'entourage, le petit monde qui travaille autour de Jean-Jacques. C'est où alors? C'est rue de Nesle. C'est rue de Nesle. Dans un, dans un des bureaux du type du bureau de Viviane Ami, un immeuble beaucoup plus ancien. Et donc, moi, ce qui m'a séduit, enfin, je veux dire plus, c'est l'enthousiasme extraordinaire de Jean-Jacques Pauvert et le fait qu'il était toujours où on ne l'attendait pas et il faisait tout le temps des livres qui me surprenaient. Enfin, des années après, un beau jour, le responsable des dépôts, Julia, m'appelle en me disant il y a un camion de 30 tonnes qui vient d'arriver avec les œuvres complètes d'Erckmann Chatrian. Effectivement, il avait imprimé d'un seul coup les Carter Storm de Erckmann Chatrian en plusieurs milliers d'exemplaires reliés. Je dois dire que là, j'ai eu quand même un petit choc. Mais Jean-Jacques, c'était ça, vous comprenez. Donc, on était là à parler d'histoire d'eau, et puis il vous fabriquait dans le dos les œuvres complètes d'Erckmann Chatrian. C'est bien, donc, Erckmann Chatrian, c'est formidable. Tu n'avais reçu qu'une seule lettre de félicitations, enfin, peut-être plusieurs, mais une lettre de félicitations, Michel Debray. Oui. Avait une passion pour Erckmann Chatrian. Absolument. Il avait raison, malheureusement. Il n'y avait pas beaucoup à être de son avis, mais bon. Oui, ça, on reviendra après avec vos compagnonnages, d'ailleurs, par l'entremise aussi de Christian Bourgois et des hommes politiques jusqu'au plus haut niveau. Pascal Horry. Pour confirmer qu'il y a effectivement un moment privilégié dans l'itinéraire, dans le destin de Jacques Pauvert, je rappelle cette phrase de lui dans ses mémoires. « En 1961, déjà, j'avais une impression curieuse, celle d'être rejoint peu à peu par mon époque et de commencer à y être un peu plus à l'aise. » Ce qui veut dire d'ailleurs que rétrospectivement, la fin des années 40, début des années 50, ça a été particulièrement pénible pour Jean-Jacques Pauvert, à la fois en lui-même et pour ce qu'il représentait. Mais qu'en fait, peu à peu, l'époque s'est mise à ressembler à Pauvert. Oui. On dit, je crois, que la montagne Sainte-Victoire se met à ressembler au tableau de Cézanne, mais l'époque s'est mise peu à peu à vous ressembler. Ah quoi. Oui. Tout d'un coup, il y avait... on commençait... Alors, ça commence avec l'interview de Madeleine Chapsal dans l'Express, qui tout d'un coup... j'ai deux pages dans l'Express avec une grande photo que ma mère avait découpée, d'ailleurs. Et c'était pratiquement la première fois qu'on consacrait un article aussi important à un éditeur. Et un éditeur tout de même un peu débutant. Et ça vous aide ? Je me dis, c'est passé quelque chose. Bon, est-ce que ça va continuer ? Là, je suis pas encore complètement à l'aise. Mais j'ai l'impression, effectivement, de commencer à être rejoint par quelque chose. Bataille commence à se vendre un peu. Dans quelques années, je ferai ma mère. Qui se vendra à 30 ou 40 000 exemplaires pour un Bataille, c'était fou. Pascal Horry. L'épisode d'Histoire d'eau est d'ailleurs une métaphore de tout ça, parce que Histoire d'eau, donc on connaît maintenant l'auteur, on peut le dire, oui. Donc Dominique Horry, n'est pas du tout commenté dans la presse, à la fois par peur sans doute, et puis pour d'autres raisons, donc ça met du temps à être lancé. Et je signale, en franchissant les siècles, qu'aujourd'hui, 50e anniversaire d'Histoire d'eau, voilà. Dans l'annuaire officiel du Haut Comité des Célébrations Nationales, oui. Dont d'ailleurs je fais partie, figure voilà. Deux pages de Régine Deforge, et donc l'État français célèbre cette année officiellement le cinquantenaire d'Histoire d'eau. Oui. Là, de l'eau a coulé sous les ponts. Ils m'ont écrit, alors je leur ai répondu. Mais la lettre, je vous signale qu'elle est entre autres signée Pascal Horry. c'est ça, hein, mais oui. J'aurais répondu gentiment, mais avec quand même un peu d'ironie, mais cela c'est dit, je me suis associé tout à fait à cette commémoration. Il y a eu un film de tournée. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de ce moment? C'est 54? C'est 54. Alors, il faut dire, Jean-Jacques Pauvert, et je vous donne la parole, Christian Bourgois. Il n'est pas là, mais il existe quand même. Il existe avant vous, Christian Bourgois, Jean-Jacques Pauvert. Oui, mais il n'est pas chez Julien. Il faut préciser que c'est 54, que c'est un... Vous le prenez d'ailleurs comme cela, c'est un cadeau de Paulhan qui vous porte. Parce que Paulhan, vous avez promis, et je promesse jamais tenue, des préfaces que vous lui demandiez sur Sade. Oui. Hein, bon, oui, mais j'avais renoncé déçu, parce que vous n'avez pas des. Et puis un jour, il vous fait ce cadeau, il vous porte un texte, vous dites, vous le dévorez toute la nuit, vous dites, c'est mon livre, en caractère oui, barré. Oui, c'est mon livre. Comme si vous l'aviez écrit, c'est, je dois l'éditer. Ah oui, c'est bon, ça, oui. Pauline Réage. Vous savez-vous très vite que c'est Dominique Horry? Oui, bien sûr. Et vous arrivez à garder le secret pendant toutes ces années? Parce que le secret a été dévoilé il y a très très peu de temps, mais objectivement. Oh, il y a quand même plusieurs années. Il y a plusieurs années. Vous l'avez gardé très solidement pendant très longtemps. Alors ça représente quoi à l'époque, Histoire d'eau? C'est comme ça que vous connaissez le nom de Pauvert, Christian Bourgois, par exemple? Je serai très franc. J'ai lu l'Histoire d'eau. Attendez, je précise que le bruit infernal qu'on entend derrière vous, c'est la photocopieuse de Viviane Ami, mais c'est le charme des petites maisons d'édition. Elle fait tout en même temps pendant qu'on fait cet entretien avec vous. Bon. j'ai pas fait attention au nom de Jean-Jacques Pauvert. D'abord, je dois dire que pendant... Normal. J'ai énormément lu dans mon enfance, ma jeunesse, comme Jean-Jacques. Je faisais pas attention au nom des éditeurs. Je connaissais un éditeur, c'était, bon, Gallimard. Oui. Mais quand je suis allé voir, enfin, je suis pas là pour raconter ma vie, mais je suis allé voir René Julliard en 1954, j'ai rencontré pendant l'été 54, j'avais lu beaucoup de livres publiés par Julliard. J'avais lu, Bonjour Tristesse qui venait de paraître, mais j'avais surtout lu les lettres nouvelles depuis qui paraissaient chez Julliard depuis quelques temps. Mais sinon, je veux dire, je crois que les bons lecteurs, et surtout à cette époque, on ne faisait pas très attention au nom des éditeurs. Mais j'ai lu l'histoire d'eau pendant les début 55, parce que j'avais un ami, en fait, de la génération de mon père, un ami peintre, il s'appelait Jean-Claude Fourneau, c'était un grand ami de Belle-Mère, de Max Ernst. C'est chez lui que j'ai rencontré une fois Boris Vian, qui a joué dans nos vies un rôle si important à titre posthume. Et donc, j'ai lu l'histoire d'eau. J'ai pas aimé l'histoire d'eau et je n'aime toujours pas l'histoire d'eau. J'aurais l'honnêteté de le dire. Bon, je comprends très bien. Non, il y avait un côté trop soufflé, je sais pas comment dire, trop sophistiqué, etc. Par contre, là, j'écoutais Jean-Jacques parler de ça, les beaux intérêts. C'est grâce à Jean-Jacques que j'ai pu republier les œuvres complètes de Sade en livre de poche dans 10-18. Les 120 journées de Sodome, 3 tomes dans 10-18. Et quand moi j'avais des problèmes, j'en ai eu moins que Jean-Jacques, bon, moins que Losfeld, mais j'ai quand même eu des problèmes pour certains livres. Il y a quelques années, on a interdit un roman de Marc Cholodenko, Le Roi des Fées. Et que je discutais justement avec les gens, un redoutable personnage, un magistrat qui était le secrétaire de la commission de protection des publications destinées à l'enfance. Censeur absolu. Et que je lui disais, mais vous m'interdisez le livre de... Vous voulez faire interdire plutôt le livre de Marc Cholodenko ou La négresse maître de Michel Bernard. Je publie Sade et vous ne me dites rien. À me dire, ah oui, mais ça, c'est de la littérature classique. Oui, mais voilà. Ah, c'est-à-dire voilà, que pour eux, ça, tout d'un c'est coup... c'est incompréhensible. Alors que... Alors, les 120 jours de Sodome, c'est un livre qu'on ne peut lire que... Oui. En étant terrifié. Il a terrifié. On a parfaitement pas tout d'un coup, tout à l'heure, en disant, bah, c'est autre chose qu'un livre. Tout à coup, il y a quelque chose qui se passe là, une espèce de béance, je ne sais pas comment dire. Alors, ce qui s'est passé en 1949, c'est qu'au Sénat, qui s'appelait à l'époque le Conseil de la République, un sénateur a fait rajouter à l'article 14, qui prévoyait l'interdiction, une commission qui avait été créée pour surveiller les bandes dessinées, justement, et les publications destinées à l'enfance. C'est le titre de la commission, c'est le nom de la loi. Et il a fait rajouter trois mots, de toute nature. Voilà. Les publications de toute nature. Ce qui a permis ensuite à la police et au ministère de la Justice de faire interdire des livres, livre après livre. Et à l'époque, l'interdiction aux mineurs de moins de 18 ans impliquait interdiction de publicité, d'abord interdiction d'exposition en librairie, interdiction de publicité, interdiction d'affichage, et même Jean-Jacques a été poursuivi à un moment, parce que quand on mettait la liste complète des ouvrages de la Bibliothèque internationale d'érotologie sur les volets, comme certains de ces titres, mais pas tous, étaient interdits, le fait qu'il ait cité le septième titre, par exemple, qui était interdit, était poursuivi. François Maspero, que, évidemment, la Mondaine poursuivait pour d'autres raisons, mais François Maspero avait la Bibliothèque internationale, le dictionnaire de sexologie de l'ODUCA, dans une vitrine vitrée, fermée à clé, et les inspecteurs de la Mondaine l'avait fait condamner. Je vous rappelle ce qu'on a oublié maintenant, ces inspecteurs de la Mondaine, c'est ceux qui ont arrêté Ben Barka. C'est une coïncidence extraordinaire. Donc, le combat qu'on a mené avec Jean-Jacques, et que nous n'avons toujours pas totalement gagné, c'est de faire supprimer ce « de toute nature ». Parce qu'on parle tout le temps du procès Flaubert et du procès Baudelaire. Baudelaire a été condamné, mais Flaubert a été acquitté. Ce qu'on oublie. Alors, Jean-Jacques, mais sur ces questions de censure et de police, on a l'impression que vous racontez ça aujourd'hui avec un certain détachement, au sens où ça ne vous a jamais fait douter, ni plier, ni inquiéter dans l'idée que vous feriez autre chose et que ce métier était impossible. Ah non, non, non, mais parce que c'était très violent. Vous avez frôlé la prison. Hein, ça devenait pas impossible à un moment, bien sûr. On m'a retiré mes droits civils, etc. Absolument, et qui a été rétabli bien plus tard. C'était tellement ridicule, vous comprenez. C'était absolument grotesque. Et mais ça existe toujours. Le code de mars 1994, n'est-ce pas, la codification la plus scandaleuse. Il faut que vous reprécisiez ce qu'est le code de mars 1994. C'est un code qui a été voté par l'Assemblée nationale à l'unanimité ou à peu près, c'est-à-dire gauche et droite réunies, et dont les conséquences pourraient être terribles. Alors quand j'en parle, par exemple à Madame Christine Boutin, avec qui j'ai eu des entretiens, enfin un entretien en tout cas assez long, elle m'a dit « oui, mais on s'en sert pas ». Elle dit « alors, pourquoi l'avez-vous fait ?» C'est un code terrifiant. Hein. Ça permet d'interdire tout à tout moment. C'est beaucoup plus radical que tout ce qui s'était fait en 49, en 58. Mais alors, il y a quand même il y a un homme, alors, puisqu'on en est sur ces questions-là, qui vous promet qu'il fera quelque chose et qu'il y aura une vraie liberté d'éditer. Oui, ça c'est grâce à Christian. Un jour, Christian Bourgois, vous dites à votre ami Jean-Jacques Pauvert, viens dîner à la maison. Bon, je brode, hein, je ne sais pas si c'est comme ça. Enfin, il y a un dîner chez Christian Bourgois, voilà, avec Jean-Jacques Pauvert et les Pompidou. Oui. Pompidou est Premier ministre à l'époque. J'ai oublié la date. Oui, avec moi, la date. 66, je crois. 66. Hein. Voilà, 66. Et alors là, vous écrivez-vous en caractère gras dans le livre. Oui. Hein, absolument. Des éloges, mais qui pour Georges Pompidou, incroyable, hein, Jacques Pauvert. Vous racontez, et puis vous racontez. Écoutez, ça. C'est le seul homme d'État qui ait fait quelque chose, mais de matériel, contre les lois qui les a fait modifier. Il nous avait dit, je ne sais pas si Christian s'en souvient, il s'en souvient certainement, il nous avait dit au début du dîner, je vais faire abroger cette loi. Et je lui avais dit, attention, vous n'y arriverez pas, parce que vous aurez contre vous non seulement toute la gauche, bien entendu, communiste en tête, mais vous aurez votre propre parti. Et il avait eu l'air de considérer ça un peu comme négligeable. Il a quand même réussi à faire des modifications très importantes dans la loi. C'est le 4 janvier 67, la loi. Ah, voilà, je tiens à souligner la chose. Écrivez-vous, c'est page 434. Il s'agit, avec l'initiative Pompidou Premier ministre, de la seule intervention de pouvoir politique en faveur de la liberté d'expression de 45 à 2004, et vous dites, plus dans la ligne qui suit, vous reveniez au petit caractère, Robert Badinter, qui fut garde des Sceaux de Mitterrand par la suite pendant plusieurs années, C'est un homme charmant. N'osa jamais toucher aux lois de répression. Ah, bien sûr. Alors, Christian Bourgois. C'est à la demande de Pompidou que j'ai invité, avec lequel j'étais à cette époque-là très lié, que j'ai invité Jean-Jacques Pauvert, parce que Pompidou avait une très grande admiration pour le travail d'éditeur de Jean-Jacques. Donc il avait envie de rencontrer Jean-Jacques. La conséquence de ce dîner, ça a été la modification de la loi, mais on ne se réunissait pas pour modifier la loi. C'est venu dans l'équation. Il faut dire que j'avais déjà, à plusieurs reprises, parlé à Pompidou du caractère, enfin, de l'automaticité de cette législation. Il fallait supprimer de toute nature, et il fallait que l'interdiction de vente 1918 n'entraîne pas les autres interdictions. Ça a été un projet de loi déposé par un Premier ministre avec à l'époque ce qu'on appelait dans le canard enchaîné une majorité de godillots. Les godillots se sont révoltés et le rapporteur de la loi a dit « Nous ne pouvons pas aller aussi loin dans le libéralisme que le souhaite le gouvernement ». C'est Pompidou qui m'avait raconté ça. Donc il a obtenu qu'il y ait une dissociation des interdictions, mais on n'a pas obtenu la modification de toute nature. J'ai beaucoup d'amitié pour Robert Badinter. Dès qu'il a été nommé garde des Sceaux, je lui ai demandé de me recevoir. Il m'a reçu, je lui ai remis une belle note sur la loi de 49. Je lui ai dit qu'il fallait absolument supprimer de toute nature. Cette note avait été rédigée par mon avocat et ami maître Georges Kiechmann. Il n'y a pas eu de modification de la loi de 49. Et quand Georges est devenu vice-ministre de vice-garde des Sceaux, enfin vice-ministre de la Justice, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je n'ai pas besoin de déposer la note que tu avais fait pour moi pour Badinter. Et avec Georges Kiechmann, il n'y a pas eu non plus de modification. C'est-à-dire que la censure, hein, je veux dire, c'est consubstantiel. Oui. Au fonctionnement de la société politique, c'est-à-dire de la société française. C'est-à-dire que les gens les plus libéraux vous disent « mais on n'applique pas, mais on n'interdit pas, mais le prince est bienveillant, le prince est cultivé, etc. » Mais on n'a jamais obtenu. Et alors maintenant, avec cette espèce de délire sur la pédophilie, on obtiendra encore moins facilement ces modifications. Donc, nous vivons dans un régime qui permet au ministre de l'Intérieur de faire interdire un livre, qui permet au ministre de l'Intérieur d'interdire toute traduction, parce qu'il y a les décrets-lois de 38 qui avaient été prévus pour empêcher la diffusion de littérature nazie ou de littérature fasciste en France. Le décret-loi 38 n'a jamais été aboli, ce qui fait qu'on peut interdire un livre qu'avait publié Maspero par un auteur belge, pas de traduction, mais auteur étranger, sur le mot bout de tout. On oublie tout ça. Ça existe toujours, il y a toujours cette possibilité. Bon, il y a 40 ans que je mène ce combat, avec Jean-Jacques, avec Borlosfeld qui est mort, avec Régine, etc. Et on n'a jamais obtenu gain de cause, sauf à ce moment privilégié avec Pompidou. Pascal Horry. Oui, au-delà de la censure, qui évidemment est un fil rouge qui traverse toute l'œuvre, parce que c'est une œuvre de Pauvert, il faut peut-être revenir sur la cohérence de son catalogue. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point il est un enfant du surréalisme. D'abord, André Breton joue un très grand rôle dans sa vie, et il tient à ce qu'il soit présent dans son catalogue. D'autre part, on peut retrouver une logique surréaliste ou post-surréaliste dans beaucoup de ses choix. La revue Bizarre, qui est quand même quelque chose d'essentiel, à mon avis, dans la construction de l'identité de ma génération, bon, c'est effectivement un surjon du surréalisme. Raymond Roussel, j'étais très intéressé de découvrir en le lisant que Darien a été édité par lui parce qu'il avait trouvé son nom dans Jarry. Donc, et alors, ce qui est très intéressant, c'est le cas de l'exhumation de Boris Vian à laquelle Christian Bourgois a contribué éminemment. C'est intéressant de voir que c'est une démarche de Jean Ferry, hein, oui. De Noël Arnaud et aussi de Pierre Caste. Oui. Donc il y a une sorte, je dirais, de réseau presque occulte de surréalistes de la Xème génération, et ça fonctionne très bien. Et il faut rajouter l'amitié avec Salvador Dali, que vous fréquentez pendant un moment. Mais alors, oui, mais donc, près des surréalistes, mais pas dans le mouvement complètement, pas surréaliste non plus. Non. C'est-à-dire qu'à la frange. Quand Breton m'a fait faire le surréalisme même, par exemple, c'était très tôt, c'était dans les années 50. J'ai été un peu déçu parce que ça reproduisait un peu trop la révolution surréaliste. Et donc, quoi, un peu de distance ? Oui, non, mais comme Breton était toujours là, hein, là-dedans, je l'ai fait volontiers. Et Boris Vian ? Alors, parce que là, vous le dites, hein, alors, je vous donne la parole. Non, je signale juste qu'effectivement, vous parlez de Boris Vian, hein, et en disant que, sans doute, meurt-il trop tôt parce que vous le ratez un peu. Hein, ah oui, c'est une rencontre manquée. Hein, Jean-Jacques Pauvert. Oui. C'est une rencontre, puisque je le rencontre, et puis on se tourne autour, et puis il me fait nommer commandeur exquis. Au collège de pâté physique, et là-dessus, je reçois une invitation pour la commémoration des mémoires du baron Mollet, et je me dis, cette fois, j'y vais. Hein, je le note, je reprends l'invitation, elle était arrivée le lendemain, et quelques jours après, il meurt. Christian Bourgois. Non, ce que je tenais à dire, c'est que l'homme qui a redécouvert Boris Vian, même si Boris Vian a énormément compté dans ma vie d'éditeur, c'est Jean-Jacques. Hein, parce que, non, mais je veux dire... On peut te rendre beaucoup, beaucoup d'hommages, mais vraiment, Boris Vian, au début des années 60, personne ne s'y intéresse, à commencer par la Maison Gallimard, qui n'a jamais lâché un auteur. Je veux dire, il y a cette conception très notariale de Gaston Gallimard, où on a publié, ça reste, même si c'est épuisé depuis 30 ans, 40 ans, c'était aussi un peu les éditeurs de cette époque, ça reste à mon catalogue. Ils ont rendu les droits de L'écume des jours, tellement ils y croyaient peu. Mais ça n'a pas fait un pli. J'ai demandé l'écume des jours. Alors, ils ont fouillé, ils ont cherché, ils m'ont dit il en reste 2847, je dis n'importe quoi, hein, presque tout le tirage. Mmh. Ça a été tiré à 3000. Vous le rachetez au prix de revient. Je dis mais certainement. C'est une affaire entendue, ça a été fait en 48 heures. Est-ce qu'il y a aussi l'amour du jazz qui vous lie à lui, Jean-Jacques Pauvert, à Boris Vian ? Oui. Vous êtes pianiste, vous ? Un peu, oui. J'ai même eu un petit orchestre. Moi, je connaissais surtout de Boris les chroniques sur le jazz, dans Jazzot et dans les temps modernes, au départ. Bon, Boris Vian, on n'a pas dit, il faut le dire un mot aussi, du littré. Alors, on a l'impression que d'ailleurs, pour vous, le littré... Alors, je ne sais pas, je vais peut-être me tromper complètement, hein, Jean-Jacques Pauvert, mais que de faire, d'éditer Le Littré, que vous avez dévoré donc tout petit, enfin d'ailleurs dévoré, non, on dévore jusqu'à la lettre de... Oui, de, bah oui, oui, parce que c'est assez long fini, à c'est lire. Assez long. c'est aussi important pour vous que, ce, que le livre de, du nom des rues de Paris pour Lindon. Qui a assuré à une époque aux éditions de Minuit un peu une substance régulière, enfin des revenus réguliers. Hein. Christian Bourgois. Une grande amitié et une grande admiration pour Jérôme Lindon. Mais il est quand même beaucoup plus original de se ruiner à peu près en publiant Le Littré, parce qu'au départ, Le Littré, ce n'était pas du tout une bonne affaire. La preuve, c'est que Julliard ne voulait pas le financer. Donc ça l'était. Ah, je ne le connaissais pas quand j'ai... Oui, c'est ça. Mais après, il ne voulait pas le reprendre. Enfin, je ne sais plus, je me souviens d'une conversation avec lui sur Le Littré. Bon, Le Dessinateur des rues de Paris, c'est une excellente opération aux éditions de Minuit. C'est quand même un de ses rares livres aux éditions de Minuit, fort loin du catalogue des éditions de Minuit. Alors que Le Littré n'est pas fort loin des préoccupations de Jean-Jacques. Est-ce que justement, il n'y a pas quand même un jeu aussi de se dire, ben écoute, de dire comme ça, en voulant éditer Le Littré, Jean-Jacques Pauvert, de dire, voilà, moi, l'éditeur de Sade, l'éditeur que l'on dit sulfureux, ben je peux être l'éditeur du dictionnaire, d'un éditeur de référence de la langue française. Et ça va avec Sade. Ça va avec, hein, c'est ce que... Jean-Jacques Pauvert. C'est comme ça que Pompidou m'avait contacté, parce que j'avais été à Montpellier faire une conférence et j'avais dit, il y a trois choses qui m'intéressent, la langue française, l'érotisme et je ne sais plus quoi, je ne sais plus quelle est la troisième. Non, la langue française, c'était vieux. Et alors le Littré, à force de le regarder comme ça, parce que c'était impossible, l'ancienne édition, c'était 5 volumes... Donc on a travaillé la maquette avec Jacques d'Arche et je dois dire que quand Jacques d'Arche m'a apporté cette page qui est reproduite dans mon livre, on a tous été complètement éblouis. D'abord c'était le premier dictionnaire fait sur une colonne et tous les calculs que j'avais faits me montraient que c'était à peu près, je crois, 3,5 fois moins encombrant que l'édition originale. Alors, comme je le raconte, Hachette, évidemment, s'est ému comment il est question de rééditer Le Littré, Jean-Jacques Pauvert, un petit éditeur, etc., etc. Mais on dit les services commerciaux, nous avons fait une enquête de marché, nous refaisons une enquête tous les 2 ans, notre conclusion est fort formelle, si on réédite Le Littré, on en vendra 67, ou 77, et j'en ai vendu 20 000. Vous êtes fier de ça quand même. Ah oui, oui, oui. Bon. Ah oui. Jean Genet aussi, il faut dire deux mots de Jean. Allez, Christian Bourgois. Votre question précédente était un peu surprenante parce qu'on a l'impression que Jean-Jacques est un éditeur de livres érotiques puis qu'il a fait tout le reste pour justifier qu'il est un éditeur de livres érotiques. Jean-Jacques Pauvert est l'éditeur le plus... Non, mais un peu. Non, vous n'avez pas dit ça, mais vous avez dit voilà, l'éditeur de Sade s'amuse à publier Le Littré. Non. Jean-Jacques est quelqu'un qui, pendant des années, a tout le temps inventé les livres qu'on n'attendait pas. Moi, si, dès le début, bon, j'ai été passionné par Jean-Jacques, soyons honnêtes, beaucoup plus que par Julien. Julien est quelqu'un qui m'a donné la chance de faire de l'édition. J'avais pas plus de vocation. Lui, c'était Gaston. Moi, c'était Julien. J'avais pas plus de vocation. L'un que l'autre, on était des lecteurs. Bon. Sauf que moi, j'ai fait l'ENA parce que Julien m'a dit, dans cette maison d'édition, il y a une seule place intéressante, c'est la mienne. Je n'ai aucune raison de vous la donner. Faites l'ENA. Bon. Donc, j'ai reçu à l'ENA pour faire plaisir à Julien. Bon. Mais Jean-Jacques est l'éditeur. J'en ai connu beaucoup. C'est l'éditeur le plus singulier. Alors, est-ce qu'il a été rejoint, rattrapé, je ne sais pas, par les années 60-70, mais l'éditeur le plus atypique, le plus singulier, parce qu'aucun livre ne ressemble au livre précédent. On parlait à l'instant de cette collection de poches. Je me souviens quand j'étais très lié avec Jean-François Revel, qui, à ce moment-là, travaillait chez et pour Julliard, qui avait eu plusieurs projets de collection, dont est sorti finalement Archives avec Pierre Nora, Cuisine de littérature avec Revel. Et quand on en a parlé avec Jean-Jacques, il s'est dit n'importe comment, il faut que je fasse une collection de poches qui n'a rien à voir avec les autres collections de poches. Il n'aurait pas exactement le même format, ce ne seraient pas les mêmes choix. Bon, maintenant, tout le monde trouve ça très, très bien, mais sur le moment, le programme de Jean-Jacques et de Revel était un programme, c'était plusieurs années avant 68, c'était un programme très, très bizarre. Cela dit, Jean-Jacques Pauvert, vous devez être sans doute à l'époque quelqu'un d'assez insupportable, j'imagine, non, un peu gagné par par la vanité, non? Vous dites, pas du, vous voyez comme il vient à votre, j'essaie de voir au fond comment, vous, je vois que vous réagissez pas, vous restez très placide, mais dès qu'on vous lance une pique, bah, je Christian pas, Bourgois, je... non, je vous dirai pourquoi. Je non, cherche. Parce qu'il y a, non, mais c'est évidemment un peu provoquant, mais pour essayer de comprendre tout de même, comment vous pouvez définir ce qu'est le métier d'éditeur, alors que vous n'en aviez aucune idée en débutant. Non, mais parce que, voilà, il y a justement quelque chose de très intéressant par rapport à Julliard. Vous dites, Jean-Jacques Prouvaire, page 272, « René Julliard n'avait qu'un sens littéraire très moyen. Point. » Vous rajoutez, « C'était un grand éditeur. » Alors on pourrait penser, c'est comme ça que je disais vaniteux, non, c'est pas la question, mais on pourrait penser que vous êtes un peu dédaigneux, que vous réglez des comptes. Et puis non, vous dites au fond, être un grand éditeur, c'est plus mystérieux que simplement, au fond, déclarer qu'on aime la littérature. Donc c'est quoi être un grand éditeur ? Mais je ne sais pas très bien, mais dans le cas, vous comprenez, il y a des cas dans l'édition. Et Julliard était un grand éditeur en ce sens qu'il avait créé, je parle sous le contrôle de Christian, il avait créé une structure d'accueil qui fonctionnait assez épatamment. D'abord, il prenait ses décisions très vite, bon, qu'il se fasse aider, c'était tout à fait normal. Et puis après, il essayait de lancer au mieux les livres. Et il y avait un climat Julliard, comme il y avait un climat Lafont, d'ailleurs, comme il y avait un climat Gallimard. C'est quoi, grand éditeur? Alors, vous avez compris maintenant le sens de ma question, hein, Christian Bourgois. On peut dire de quelqu'un qui n'a qu'un sens littéraire très moyen, comme on peut dire sans doute d'un producteur de cinéma. Bien sûr. Hein, qui n'est pas forcément un très bon spectateur de cinéma ou analyste de cinéma. Généralement pas. Mais qu'il peut être un grand producteur. Alors c'est quoi un grand éditeur ? D'abord, c'est un éditeur qui vit. Qui vit un certain nombre d'années. Jean-Jacques dit que nous sommes là 45 ans après, oui. C'est vrai. Eh oui. Bon, Julliard est mort jeune, hein, il est mort, il avait 62 ans, mais enfin, il avait quand même eu le temps... mais un temps beaucoup plus court qu'un Gaston Gallimard. Donc moi, je crois que enfin, les grands éditeurs que j'ai connus, comme Lady Crowold en Allemagne, comme Roger Strauss aux États-Unis, c'est des éditeurs qui ont publié des livres pendant 30 ans, 40 ans. Enfin, moi, je pense qu'il peut y avoir des éditeurs fulgurants, bon, mais que la durée, regardez la durée de la vie de Jérôme Lindon, il faut pouvoir publier, accompagner des auteurs sur une vingtaine, une trentaine d'années. Bon. Donc pour moi, alors au fond, je réponds un peu à côté, mais grand éditeur, c'est quelqu'un, on n'a pas au début l'ambition d'être un grand éditeur. Et je ne sais pas si nous sommes l'un et l'autre à l'arrivée des grands éditeurs. Bon. Mais moi, ce que je crois, c'est que les éditeurs, enfin les meilleurs, pas forcément les plus grands, c'est ceux qui savent écouter. Moi, je dirais que quand j'ai commencé à faire de l'édition, je lisais. Bon, je croyais que c'était un métier de lecteur. Or, il se trouve en plus que maintenant, je publie à peu près que des traductions écrites dans des langues que je ne lis pas. Donc, j'écoute des gens. Et je crois que tu as eu comme ça un certain nombre de gens comme Castelnau, qui sont des gens qui vous donnent des conseils, qui attirent votre attention sur des titres, sur des auteurs. Alors, ce que Jean-Jacques a eu en plus, même si moi j'ai accordé une très très grande importance à la présentation de mes livres, surtout depuis une vingtaine d'années, tant dans 10-18 que Bourgois. Mais ce qui est vrai, c'est que Jean-Jacques est un inventeur, avec quelques remarquables maquettistes, etc., mais quand même un inventeur de type au pluriel de livres, très divers, très séduisants, et que Chou, d'une manière beaucoup plus limitée, mais la plus... Bon, a eu aussi ce goût des textes très très bien édités, mais sinon, surtout dans les années 60, ce que les livres, les éditeurs français étaient moches. Écoutez, on a oublié à quel point ils étaient moches. Jean-Jacques Prouvaire, justement, et comme nous arrivons au bout hein, de ce tout arrive, moi j'aimerais peut-être quitter le catalogue stricto sensu, mais peut-être tenter le coup, je ne sais pas, de vous laisser nous parler de comment alors on fait un livre. À plusieurs reprises dans vos mémoires, vous écrivez que vous aimez bien tel livre que vous venez d'éditer, parce que vous dites, voilà, il est, ça a l'air un peu simple, comme ça, un peu sec, mais c'est justement, il y a du blanc, c'est rigoureux, c'est élégant. On sent que vraiment, c'est-à-dire, on sent bien que votre œil, sans jeu de mots avec Bataille, et dans la maquette même, que vos mains sont dans les maquettes des livres. C'est quoi, alors, éditer un livre au départ, hein, comme j'avais commencé à le dire tout à l'heure, il y avait une décision, c'était de ne pas faire deux livres qui se ressemblent, de ne pas sortir deux livres sous la même couverture. Ça, c'était un principe. Il y avait Bataille, bon, bah, il avait ses couvertures, et qui étaient chaque fois différentes. Il y avait Klossowski, c'était des couvertures différentes. J'étais l'anti-couverture d'éditeur. Et pour quelle raison? C'était risqué. Parce qu'après tout, c'est vrai que l'idée que, attends, voilà, on dit la blanche, Bourgois, il y a une typologie, hein, les couvertures Bourgois. Viviane Ami, qui est enfin revenu de vos photocopies. Non, mais c'est un truc, ça, tout de même, d'édition, d'essayer d'avoir quelque chose qui se reconnaît. Et là, encore une fois, effectivement, Pauvert essaie d'y échapper, Viviane Ami. Oui, parce que Jean-Jacques est un anticonformiste qui n'a jamais calculé quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'au fil des années, je crois que, oui, il y a une espèce de discipline que les éditeurs se sont imposés, que moi-même je me suis imposée, parce qu'effectivement, au milieu de la masse des titres qui paraissent, une tentative pour, entre guillemets, avec tous les guillemets possibles, parce que je déteste ce terme, fidéliser les lecteurs, leur donner confiance, une sorte de signe de reconnaissance. Mais c'est vrai que les maquettes, moi j'aurais volontiers fait également chaque livre, j'aurais volontiers fait une maquette pour chacun des livres, mais je ne l'ai pas fait parce que c'était plus de l'époque. Bon, je voudrais, parce que je vois que c'est compliqué de vous faire parler de ça, de Pauvert. Non, mais attendez, on va pas prendre le livre Pauvert. Oui. Alors, ça va pas être plus simple, parce que vous allez forcément m'en dire du bien, mais on va prendre celui qui est édité par Viviane Ami, on va prendre votre livre. Bon, si je prends la phrase ici, là, donc au tout début du livre, je sais pas comment elle s'appelle cette page-là, ça s'appelle comment cette page en édition? Vous voyez, celle-là. C'est quoi, c'est ça? C'est la page de copyright. De copyright, voilà, oui. La page de copyright. En haut de la page de copyright, l'auteur et l'éditeur, donc l'auteur, vous, Jacques Pauvert, tiennent à remercier les équipes des imprimeries Flock et London pour leur complicité et leur travail remarquable. Absolument. Voilà. Alors c'est quoi? Il est beau, ce livre. Eh bien, pourquoi il est beau? En quoi il est beau? Fait un très beau livre. Et il ne faut pas oublier que les imprimeurs n'ont fait qu'exécuter la maquette. Hein. Ils n'ont fait qu'exécuter les instructions. Ils l'ont très bien fait. Ils l'ont très bien exécuté. Mais la conception, c'est vraiment Viviane Ami, hein, qui m'a fait... Il y a par exemple des cahiers d'illustrations en couleur au départ. Hein, il ne devait pas y en avoir 50. Bon, il y en a quand même... Il y a 4 cahiers de 8 pages en couleur. Il y a des illustrations à l'intérieur. C'est elle qui me les a proposées. Des facsimilés de manuscrits, des choses comme ça. Et c'est très bien fait. À mon avis, la plupart des livres qu'il a inventé dans les années 60, ne pourrait plus être publié maintenant, parce que là, vous venez de citer Flock, qui reste un des seuls vraiment très très bons imprimeurs en France, mais les imprimeurs que nous avons connus, ils ont disparu, les brochures que nous avons connues ont disparu, les imprimeries appartiennent toutes en Europe, pas simplement en France, au même groupe, et les livres sont plus... Les éditeurs font beaucoup plus attention à la présentation des livres qu'il y a une vingtaine d'années, mais en même temps, le travail des brocheurs surtout, et même parfois des imprimeurs, est beaucoup moins satisfaisant qu'il y a une vingtaine d'années. Donc des livres des livres que sous emboîtage, etc., c'est impensable maintenant. Non. Un livre comme le Oscar Panizza, le Concile d'Amour, c'est infaisable. C'est infaisable, et puis c'est quand même irrangeable. Avec vous, les bibliothèques ressemblent à des montagnes russes. C'est pour ça qu'il ne me satisfait pas complètement. Il est un peu trop haut, celui-là. Voilà, Oscar Panizza, le Concile d'Amour. Vous le mettez à plat, Christian Bourgois. Christian Bourgois, il faut attendre quel âge pour écrire des mémoires, selon vous? Alors, vous vous y mettez quand, vous? J'admire que Jean-Jacques ait écrit ses mémoires. On m'a souvent fait cette proposition que pour le moment j'ai écarté. Pendant longtemps. Ah oui, alors. Je l'ai écarté. Il y a un moment où. Oui, voilà, exactement. Jean-Jacques Pauvert. Exactement. Il y a un moment où Il y a un moment où d'abord on a un peu plus de temps, on fait moins de choses et puis on peut se retourner plus facilement. Moi, je m'étais jamais retourné, hein, comme je le dis dans mon livre. Et là, je me suis retourné tout d'un coup, je me suis dit, tiens, mais là, c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, j'ai pas tellement réfléchi, mais je me suis interrogé. La dernière phrase, c'est Jean-Jacques, il y a quelques mois, m'a appelé, m'a dit si nous déjeunions ensemble, parce que je suis en train d'écrire mes mémoires, ma mémoire n'est pas très fidèle, j'ai des trous. Alors, j'étais au contraire plein d'admiration pour la précision. Et alors, deux souvenirs fort anciens dans certains cas que je ne peux pas vérifier, mais dans les années 60, je peux les vérifier, et tu es d'une précision extraordinaire, donc ta mémoire n'a pas du tout flanché. Eh bien, merci Christian Bourgois de nous avoir rejoints pour cet entretien avec Jean-Jacques Pauvert chez Viviane Ami, qui édite donc Jean-Jacques Pauvert, La traversée du livre, Mémoire. On attend Jean-Jacques Pauvert, le retour, alors, Jean-Jacques Pauvert, tome 2, ça ira oui, de 68, oui. Hein. Bon, oui, ça ira peut-être un peu plus vite. Bon. Et la tradition, c'est que vous choisissez une musique et que nous la passons, puisque tout se termine toujours en musique. Vous le savez, je ne sais pas s'il fallait passer un disque. Vous un choisiriez disque de quoi? Du jazz, par exemple. Du jazz, évidemment. Du jazz, oui. La grande époque, Lionel Hampton, Armstrong, Coleman, Hawkins. Et il faut en choisir un. Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald? Ah oui, Ella Fitzgerald. À peu près n'importe quel disque d'Ella, c'est. C'est une splendeur. That word's poetic, I'm so pathetic that I always have found it best instead of getting them off my chest to let them rest unexpressed. I hate parading my serenading as I'll probably miss a bar. But if this ditty is not so pretty, at least it'll tell you how great you are. You're the top, you're the Colosseum, you're the top, you're the Louvre Museum, you're the melody from a symphony by Strauss, you're a Bendel bonnet, a Shakespeare sonnet, you're a Mickey Mouse, you're the Nile. You're the Tower of Pisa, you're the smile of the Mona Lisa. I'm a worthless check, a total wreck, a flop. But if, baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top, you're Mahatma Gandhi. You're the top, you're Napoleon Brandy, you're the purple light of a summer night in Spain, you're the National Gallery, you're Garfield Salary, you're a cellophane, you're sublime, you're a turkey dinner, you're the time of the Derby winner. I'm a toy balloon that's faded soon to pop. But if, baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top. You're a Waldorf salad. You're the top. You're a Berlin ballad. You're the nimble tread of the feet of Fred Astaire. You're an O'Neill drama. You're Whistler's mama. You're a Camembert. You're a rose. You're Inferno's Dante. You're the nose on the great Durante. I'm a lazy lout who is just about to stop. But if, baby, I'm the bottom, you're the top. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 16 avril 2004. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la rubrique des nuits sur le site franceculture.fr.